j'avais un frère à qui j'adresse toutes mes lettres. Avec mes yeux j'ai vu son mariage, son enfant naître. Partir quitter la rue, il en a rêvé tant d'années. Tout commence en hiver, le mois de novembre entamé. Famille à charge, les reins, les côtés, les épaules en ciment. Pour descendre en enfer, huissier, justice et licenciement. Il veut braquer sa chance dans quelques soirées, rentrer libre. Regarde sa femme et lui promet devant un frigo vide. Mon amour demain sera notre jour de promesse tenue. Il doute lorsque la dernière heure de son braquage est venue. Filoché par la poisse, les forces de l'ordre sont réparties. Tremblant derrière son arme et le coup par le coup est parti. Je n'oublierai jamais son regard, cette fois c'est mon tour. Chuchoté dans sa barbe, je suis désolé mon amour. J'ai la tristesse d'un dernier salade dans une cour d'assises. Mais le juge a dit 30 fermés sans remise. Mon frère, ciao, bonne vie. Jamais ne la blesse. Et tout le monde nous a vu les mains emmêlées à la tête. Mon amour de jeunesse, de si à moi qu'il sait la paire. A miser sur une femme, j'aurais dû miser sur ma mère. Que je sois témoin de mon erreur si j'ai compté sur elle. Porter cet accident qui n'avait rien d'accidentel. Qui a coupé cette route, il nous empêchera d'être ensemble. Mes illusions perdues en même temps que l'usage de mes jambes. Celui qui m'a conduit ici, personne prévoit le danger. Qui aurait pu prévoir ce lundi où ma vie a changé. Des semaines d'hôpital, tout était foutu pour moi. La tristesse solitaire de mes rêves qui se change en coma. Aucun mot pour la retenir, je t'abandonne pas, elle m'a dit. Conjuguer son départ, elle partait, elle part, elle est partie. Ciao, bonne vie. Grandissant et tombé dans l'oubli, le quartier lui imposera de ressembler à son frère. Si loin de ménager, protéger l'honneur de son père. La fille manque de repères, reproduit l'exemple. Avec sa bande, elle boit, elle fume, se drogue, fait des descentes. Pas une seule vraie amie pour lui avouer qu'elle se ficha. À trop sortir le soir, elle va se transformer en chicha. L'argent attire les folles, à lui elle se colle. Adieu à la pudeur, pudeur à consommer l'alcool. Entre courage et peur, endolori mon cœur. Maman a trop pleuré, je ne te reconnais plus ma sœur. A ciao, bonne vie. Ciao, bonne vie, je n'ai trouvé qu'une manière de te dire adieu. Ciao, bonne vie, j'ai dû m'éloigner de toi pour me sentir mieux. Ciao, bonne vie.